Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 2 août, nous souhaitons une bonne fête aux Juliens, ça vient du latin de la famille romaine de Iule. Énergique et viril, courageux et combatif, Julien rêve de commander et de diriger. Il est facilement ombrageux, susceptible et agressif, particulièrement lorsqu'il ne maîtrise pas la situation. Rapide et souvent pressé, il est impulsif et irritable, ses crises de colère sont fréquentes, parfois violentes. Il vise l'obtention d'un pouvoir et par là même supporte mal l'autorité des autres. Il se montre entêté, pas toujours de bonne foi et reconnaît difficilement ses torts. Bien armé pour la vie, il sait se montrer actif et entreprenant et capable de saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Il a le sens des affaires et les pieds sur terre. En fait, il est plutôt concret, pratique, physique que véritablement intellectuel. Strict, autoritaire, loyal, franc et direct, il a horreur des faux-semblants, des mensonges, de la flatterie. Passionné et peu capable de composer, il ne sait pas dissimuler ses véritables sentiments. Dicton du jour, Saint-Julien brise glace, s'il ne la brise, il l'embrasse. Si le jour de Saint-Julien est trouble, il met le vin au double. Célébration internationale. Aujourd'hui en République de Macédoine, c'est la fête de la République qui commémore la première assemblée de l'ASNOM. Et ça s'est passé un 2 août en 1589. Henri IV montait sur le trône de France. Allez, première pause musicale, Priscilla et son titre Regarde-moi. Priscilla avec son titre « Regarde-moi » sur RGM, un peu plus de 8h35, on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 2 août 1945, naissance de Joanna Cassidy, actrice américaine, vue dans la série Six Feet Under, dans le rôle de Margaret Chenoweth, Desperate Housewives, Esprit Criminel, pardon, Bones ou encore Body of Proof dans le rôle du juge Joan Hunt. 1952, naissance d'Alain Giresse, ancien joueur de foot français qui est devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueur de 1970 à 1988 en jouant à Bordeaux, Marseille. Il a été entraîneur à partir de 1995 pour Toulouse, le Paris Saint-Germain, de nouveau Toulouse, Rabat, l'équipe de Géorgie, du Gabon, du Mali, du Sénégal et entre 2015 et 2017, le sélectionneur de l'équipe du Mali avant de démissionner. 1955, naissance de Muriel Robin, comédienne humoriste française, vue dans Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, Le Bal des Actrices, Hollywood, à la télé, dans le téléfilm Marie Bénard, l'empoisonneuse, dans le rôle de Marie Bénard, dans Capitaine Marlowe, et elle sera bientôt à l'affiche du téléfilm Jacqueline Sauvage, dans le rôle de Jacqueline Sauvage. 1956, naissance de Michel Bernier, comédienne humoriste française, vue dans Gazon Maudit, dans le rôle de Solange, Le Démon de Midi, Un homme et son chien, les téléfilms Les Frangines, dans le rôle de Noémie, Trois filles en cavale, dans le rôle de Joël Dessources, la série télé Las Malas en mêle, dans le rôle d'Isabelle Garnier, La Stagiaire, dans le rôle de Constance Meyer, et apparu également dans Scènes de ménage ou encore Nos chers voisins. 1964, naissance de Mary-Louise Parker, actrice américaine, vue dans la série À la Maison Blanche, dans le rôle d'Amy Gardner, dans la série Weeds, dans le rôle de Nancy Botwin, et apparu également dans Blacklist. 1970, naissance de Kevin Smith, réalisateur américain, qui a réalisé quelques épisodes des séries Flash et Supergirl. 1971, naissance d'Alice Evans, actrice britannique, vue dans Les 102 Dalmatiens, Ma femme s'appelle Maurice, la série télé Lost, Les Disparus, Mentalist, Brothers and Sisters, et on la connaît surtout pour son rôle d'Esther Michelson dans les séries Vampire Diaries et The Original. D'ailleurs, The Original, c'était le dernier épisode qui a été diffusé cette nuit, après 5 saisons. 1976, naissance de Sam Worthington, acteur australien, vu dans Macbeth, dans le rôle de Macbeth, dans Terminator Renaissance, dans le rôle de Marcus Wright, dans Avatar, dans les rôles de Jake et Tom Sully, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans Avatar 2, qu'on attend depuis de nombreuses années maintenant. La sortie est prévue pour 2020 si tout va bien. Et vu également dans Le Choc des Titans, ainsi que la suite La Colère des Titans, dans le rôle de Percy. 1977, naissance d'Edward Edward Furlong, acteur américain, vu dans Terminator 2, dans le rôle de John Connor, dans American History X, dans le rôle de Danny Vinard, dans quelques épisodes des Experts Manhattan, dans le rôle de Shane Casey. 1982, naissance de Sarah Foster, actrice américaine, vue dans Preuve à l'appui, Les Experts et 90-210 Beverly Hills Nouvelle Génération, dans le rôle de Jen Clark. 1985, naissance d'Antoinette Nana Jimou Ida, athlète française, spécialiste de l'heptathlon, double championne d'Europe de l'heptathlon, c'est pas facile à dire, en 2012 et 2014, et double championne d'Europe en salle du pentathlon en 2011 et 2013. 1989, naissance de Priscilla Betty, chanteuse actrice française, vue au cinéma dans Albert et Méchant. La série télé chante dans le rôle de Tina Ravel, Nos chers voisins, et elle a participé à la saison 6 de Danse avec les stars. D'ailleurs, le casting se précise pour la nouvelle saison. On en parlera en temps et en heure. 1992, naissance d'Ali et Kate Eisenberg, actrice américaine, connue pour son rôle de Marie Alsweiser, enfant, dans le film Polly, le perroquet qui parlait trop. En 1799, décédé Jacques-Étienne Montgolfier, l'un des deux inventeurs de la montgolfière. En 1929, décédé Alexander Graham Bell, inventeur britannique, surtout connu pour l'invention du téléphone. En 1936, décédé Louis Blériot, constructeur d'avions, de motocyclettes et de chars à voile, pilote précurseur et pionnier de l'aviation française. Et enfin, en 1992, on apprenait le décès de Michel Berger, célèbre auteur, compositeur, interprète français. Et on écoute d'ailleurs une de ses chansons, qui date de 1975, c'est « Seras-tu là ?» Et quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous. Seras-tu là tout cela, seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde l'air, nos ennemis. Dis-moi que oui. Seras-tu là de Michel Berger sur le 107 FM. Il est presque 8h44 et il est temps, eh bien, pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors hier, il y a plu un tout petit peu, hein, ça a fait du bien, les températures ont du coup un petit peu baissé, mais ça va vite regrimper puisqu'on est en vigilance orange canicule. Donc si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous, surtout n'oubliez pas de vous hydrater et de vous mouiller le visage, hein, aussi, hein, ça peut aider. Et voilà, il y a des alertes, hein, à la télévision, donc suivez les conseils qu'on peut entendre à la télévision, mais surtout, voilà, le plus important, c'est s'hydrater et rester à l'intérieur de la maison si on n'a pas besoin de sortir. Puisqu'aujourd'hui, on va encore avoir une journée ensoleillée, des températures comprises entre 19 et 20 degrés ce matin, entre 30 et 32 degrés pour cet après-midi. Pour vendredi, du soleil, hein, encore, des températures comprises entre 18 et 19 degrés le matin, mais entre 32 et 34 degrés prévus pour vendredi après-midi. Et pour samedi, eh bien, ce sera toujours du soleil, des températures comprises entre 20 et 21 degrés le matin et entre 31 et 33 degrés prévus pour samedi après-midi. Et du soleil, on va en avoir normalement jusque minimum le 15 août. Allez, on passe maintenant à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis, tournoi de Los Cabos, élimination de Quentin Alice en 3-7 face à Fabio Fognini, 2-6-6, 4-6-0. Manarino s'est qualifié en 2-7 face à Imer, 6-0, 6-2. Il affrontera aujourd'hui Nori à Washington. Élimination de Jérémy Chardy en 2-7 face à Copil, 6-4, 6-4. Élimination d'Herbert en 3-7 face à Goffin, 6-2, 1-6, 7-6. Et Lucas Pouille s'est qualifié en bénéficiant de l'abandon de son compatriote Mio. Lucas Pouille menait 6-7, 6-4 et 3-0 dans le troisième set. Lucas Pouille affrontera aujourd'hui